Je prends la guitare au fond du chardin. 110, putain, ça va vite. Oh putain, 110. 110, ça va. 110. Mais pourquoi il veut pas se mettre lui là? 110. Yeah, man. Voilà. Il y a trop de gains là. C'est quoi? Mais pourquoi ça marche pas? Yeah, la voix d'Elvis. Mais c'est beau ce que tu fais. Je reviens.